Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de faire appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires pour vous. Merci de votre soutien. Les petites histoires de Tell Me. La mémoire de Mamie. Coucou Mamie. Mamie? Comment ça, Mamie? Bah, c'est moi, Flora. Je connais pas de Flora. Mais si, je viens te raconter ton histoire. J'ai pas besoin qu'on me raconte d'histoire. Et là, Mamie me claque la porte au nez. Je retoque et je l'entends ronchonner en s'éloignant. Oh, quand même, si j'avais une petite fille, je m'en souviendrais. Sauf que Mamie Jacqueline, c'est vraiment ma mamie. Le truc, c'est qu'elle a une maladie qui lui grignote la mémoire. Ça s'appelle Alzheimer. Les parents m'avaient prévenu que ce serait de plus en plus compliqué et que parfois, mamie ne me reconnaîtrait pas. Mais ils avaient aussi dit que certaines choses pouvaient raviver ses souvenirs, comme la musique, les odeurs, les photos. Alors au tout début de sa maladie, j'ai fait un pacte avec mamie. J'allais devenir sa mémoire. On a créé un album qui contient toute sa vie. Et je connais l'histoire de chaque photo par cœur. Et depuis, chaque samedi, je vais chez elle et on entame notre rituel. On choisit une photo et je lui raconte un souvenir. Mais pas aujourd'hui. À moins que... Mais oui, l'album, il y a des photos de nous deux. En les voyant, elle saura que je ne mens pas. Enfin, j'espère. Alors je sonne à nouveau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma petite? Mamie, regarde, c'est nous sur cette photo. D'un coup, ses yeux pétillent. Oh, ma Flora, comme c'est gentil d'être venue me voir. Tu as un bel album. Oui, c'est pour explorer ta mémoire. Explorer ma mémoire? Oh, quelle drôle d'idée. Rentre donc. On traverse un couloir et une pièce à l'abandon qui sent les vieux meubles et le bonbon à la violette, et on arrive au salon. Je m'assois dans son canapé tout mou pendant qu'elle va nous chercher du jus de pomme. Le truc que je déteste le plus au monde. Mais bon, ça aussi, elle l'a oublié. Elle revient et s'installe à côté de moi. Le canapé manque de nous gober. Mamie pose ses lunettes sur le bout de son nez et j'ouvre notre album. Comment ça marche, ton truc? Tu choisis une photo et moi, je te raconte son histoire. Ah, d'accord. Alors, voyons voir. Moi, tiens, celle-ci. C'est qui ce monsieur qui me tient le bras? C'est Papy Michel. Ça me dit rien. Je le connaissais bien? Ça oui, c'était ton mari. Là, vous étiez en voyage en Égypte. Ah oui, ça me revient. On avait fait une croisière en amoureux pour notre voyage de noces sur le Nil. C'était un vrai voyage de noces, tu sais. Mais aussi la couverture rêvée pour des agents secrets. Il y avait ce savant fou, José, qui voulait détruire le monde. Et il avait mis au point un poison mortel pour transformer tout le monde en zombie. On avait appris qu'il avait caché l'antidote au fin fond d'une pyramide. Ça a été de loin l'opération la plus dure qu'on ait eu à faire. On est allé à dos de chameau au fin fond du désert avec tout un groupe de touristes pour visiter la pyramide du pharaon Khéplop. Une fois dans les couloirs, on s'est éclipsé pour rechercher l'antidote. On avait moins de 5 minutes devant nous. Heureusement, ton papy avait appris par cœur le plan du lieu. Ah ça, il avait une grande mémoire. Arrivé devant un cul-de-sac, on s'est retrouvé devant un mur avec une énigme, une sorte de texte à trous et en hiéroglyphe. On n'avait pas du tout prévu ça. Il nous restait seulement 3 minutes. Heureusement que j'avais moi aussi une mémoire d'éléphant et que je me suis souvenu des cours d'histoire de Madame Pilou. J'ai rempli les trous et... Le mur s'est déplacé, mais tout s'est mis à trembler et à se fissurer. En résolvant l'énigme, on avait déclenché un autre piège, à moins que ce soit cette vieille pyramide qui tombait en ruine. On s'est rué dans la pièce, on a pris l'antidote qui se trouvait dans une petite bouteille de cristal, puis on a foncé vers la sortie. On a rejoint la troupe de touristes paniqués qui se précipitaient dehors. Et là, sous nos yeux ébahis, on a vu la pyramide sombrer dans les sables. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Cette histoire est invraisemblable. C'est vrai. Mais même si sa mémoire déraille, j'adore écouter mamie me raconter ses drôles d'aventures. Le samedi suivant, mamie me reconnaît. Mais j'ai quand même droit au jus de pomme maudit. Et puis, elle me demande ce que je fais avec un album photo. Alors je lui réexplique tout. Cette fois, elle choisit une photo d'elle et de deux de ses copines. « Oh, mais c'est qui ces trois jolies jeunes filles en patins à glace ?»« C'est toi avec Huguette et Janine, tes deux meilleures amies. Vous faisiez du patin à glace tous les dimanches. C'était ta passion. » « Mais oui, c'est vrai ça. Oh, tu sais qu'on s'entraînait pour les Jeux Olympiques. On était des stars, le trio magique qu'on nous appelait. Ah, les plus grands espoirs de médailles du pays. Il faut dire qu'on gagnait tout depuis des années. Et puis, le jour J, Janine a dégringolé dans l'escalier de la patinoire. Elle a essayé de se relever, mais elle a hurlé. Sa jambe ressemblait à un vieux lacet de patin. Elle zigzaguait dans tous les sens. Pour elle, c'était la fin. Et pour nous aussi. Impensable de continuer sans elle. Le premier jour d'hôpital a été horrible. La pauvre Janine était au fond du seau. Et c'est là qu'un miracle est survenu. Un ange a déboulé dans sa chambre, Maurice qui s'appelait. Il nous adorait et voyait en nous des stars capables de mettre des paillettes dans les yeux de la vie de millions de gens. Il voulait créer un spectacle dont on serait les stars, les reines des glaces. Grâce à ça, Janine s'est remise sur ses patins en un rien de temps. On a travaillé sans relâche, enchaîné les répétitions avec des dizaines de figurants, des ours polaires et même des pingouins. On a fait le tour du monde, presque une représentation tous les deux jours. Mais on a poussé un peu trop fort le bouchon. On a fait une indigestion de patins. On rêvait d'une vie plus tranquille. Et puis, notre chez-nous nous manquait. Alors on a tout arrêté. Huguette est devenue toiletteuse pour chiens, Janine maquilleuse de star, et moi, ben, j'ai ouvert un bistrot avec un beau jeune homme qui s'appelait... Tiens, je me souviens plus de son prénom. Et d'un coup, les yeux de mamie s'éteignent. Elle se lève et sans un mot, elle repart dans sa cuisine comme si je n'existais plus. Les samedis se suivent et à chaque photo, mamie laisse voyager sa mémoire. À chaque fois, je suis tout épatée par ces histoires farfelues. La fois où elle a failli aller sur Mars, le jour où elle est allée en prison par erreur. Son passé de chercheuse d'or, son imagination n'a pas de limite. Mais le souci, c'est qu'elle ne revient jamais vraiment de ses escapades. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, elle soit vraiment avec moi. Un peu plus longtemps que quelques minutes. Je n'ai pas arrêté d'y penser toute la semaine. Comment faire pour que mamie reste avec moi un peu plus longtemps? Et ce matin, en ouvrant les yeux, j'ai eu une illumination. Lui montrer son souvenir le plus cher, l'histoire qu'elle m'a racontée le plus souvent quand on fabriquait l'album. Après tout, si toutes ces photos de petits moments arrivaient à lui raviver la mémoire à l'instant, peut-être que l'un de ses souvenirs préférés lui permettra de rester avec moi tout l'après-midi. Là, c'est toi devant la maison que tu as construite avec papy Michel. Votre maison, celle dans laquelle on est aujourd'hui. Et à côté, c'est votre chien Grenouille. Oh, Grenouille! Oh, qu'est-ce que je l'aimais, ce petit chien! On l'a trouvé avec papy Michel pendant une de nos balades dans la forêt. Il était à la merci de deux gros molosses tout bavants qui avaient décidé d'en faire leur casse-croûte. Ouh, je leur ai mis un bon coup de sac à dos, ils ont détalé aussi sec ces sales cabots. Le pauvre Grenouille était tout amoché, alors on l'a emmené illico chez le vétérinaire. C'est pour ça qu'il avait sa grosse cicatrice et un œil à moitié fermé. Ça lui donnait un air de gros dur. Au gros dur, tu parles? Il était tout pâteau. Et qu'est-ce qui ronflait? Un vrai tracteur. Ça rendait fou ton papy. Mais il l'adorait. Tu sais, c'est un peu grâce à Grenouille que je me suis remise de la disparition de papy. J'étais malheureuse comme les pierres. Et Grenouille l'a senti dès le premier jour. Il ne me quittait plus, même la nuit, et venait dormir au pied de mon lit. J'avais même l'impression qu'il faisait des efforts pour plus ronfler. Oh, et une fois, il m'a vraiment sauvé la vie. C'était un dimanche d'automne. On était partis ramasser des champignons, et puis d'un coup, Grenouille s'est mis à galoper à toute vitesse. J'ai voulu le rattraper et patatras, j'ai glissé sur des feuilles et je suis tombée dans un trou. Impossible d'en sortir seule. Et là, j'ai vu la petite tête de Grenouille, il s'est mis à aboyer très fort, si fort que je crois bien que toute la forêt l'a entendu. Au bout de 30 bonnes minutes où il s'est égosillé, j'ai entendu des voix s'approcher. J'étais sauvée. Mais assez parlé de vieux souvenirs, si tu me racontais comment ça se passe à l'école pour toi, tu aimes toujours autant ta maîtresse? Ah, y a quelque chose qui va pas, Flora? Je la fixe, bouche bée, je n'en reviens pas. C'est la première fois depuis des semaines que mamie me pose une question. Je verse même une larme, mais je me ressaisis vite. Je lui raconte tout et elle enchaîne les questions. On parle tout l'après-midi, sans faire aucune escapade imaginaire comme avant. J'ai enfin trouvé un souvenir qui l'a fait rester avec moi super longtemps. C'est géant ! Et puis, je dois rentrer à la maison. Elle me raccompagne sur le pas de la porte avec un sourire comme un soleil. J'ai passé un bien bon moment. À bientôt, ma petite Clémence. Une aiguille me pique le cœur. Son regard se voile. Mais ça fait rien. Il nous reste encore plein de souvenirs à explorer. Et j'en trouverai forcément un nouveau qui nous permettra de passer un autre chouette après-midi ensemble. C'était une histoire de Cécile Rubin. Vous avez aimé cette histoire ? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt !